The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Mailman. Le facteur. Come in. Entrée. Open. Ouvert. To come again. Revenir. Later. Plus tard. Now, a bit faster. Come in. Entrez. Later. Plus tard. To come again. Revenir. Mailman. Le facteur. Later. Plus tard. Mailman. Le facteur. Later. Plus tard. Now, use the words in context. Le facteur. The mailman is at the door. Le facteur est à la porte. Entrez. He gets in the car. Il entre dans la voiture. Ouvert. The window is open. La fenêtre est ouverte. Revenir. I'm coming back soon. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Plus tard. See you later. À plus tard. À plus tard. Revenir. I'm coming back soon. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Plus tard. See you later. À plus tard. À plus tard.